بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل دراستنا في القاعدة الخامسة في كتاب القواعد المثلى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل كما نسأل الله جل وعلا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول وعمل وبعد قال المصنف رحمة الله عليه في القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل كما ذكر المصنف في هذه القاعدة بمعنى أنه قال وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هذا من كلام المصنف في القاعدة الخامسة Donc on va continuer, Inch'Allah, sur la lecture et la compréhension des règles exemplaires concernant les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Et nous sommes arrivés à l'étude de la cinquième règle que mentionne l'auteur. Cinquième règle, puisque comme on l'a cité dans les assises précédentes, on a dit c'est un ensemble de règles. L'auteur, ici, pour nous faciliter la compréhension de ce domaine, le domaine des noms et des attributs divins, alors il a mentionné des règles, nous permettant ensuite, nous facilitant la compréhension justement de ce domaine, de la croyance du musulman et de la musulmane concernant les noms et les attributs divins. Puisque dans le Coran, notre créateur, lorsque vous ouvrez le noble Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé et s'est appelé par des noms. Donc dans de nombreux versets, on peut observer, lorsqu'on médite les versets, et après l'observation de nombreux versets du Coran, à la fin de nombreux versets ou parfois au début, Allah Jalla wa Ala nous mentionne, nous enseigne certains de ces noms. Wa huwa al-Hakim ou al-Khabir, par exemple. Et c'est certes al-Hakim, le sage, une traduction relative. Al-Hakim ou al-Khabir, al-Khabir le bien, l'informé. Wa huwa al-Aziz ou al-Hakim, c'est lui le puissant, le sage. Wa huwa al-Alim ou al-Hakim, par exemple, c'est lui l'omniscient, une traduction relative. Celui qui a la connaissance. Le savoir infini, al-ilm, al-alim, et al-hakim, le sage, par exemple, wa huwa ar-rahman, ar-rahim, le tout miséricordieux, très miséricordieux, dans une traduction aussi relative. Donc de nombreux versets, al-ghafur, al-ghaffar, il y a de nombreux noms qui sont mentionnés, al-aziz ou al-hamid, par exemple, al-hamid, le loué. Donc on voit dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous informer à son sujet et s'est nommé par des noms. Donc quelle est la croyance du musulman et de la musulmane concernant les noms et aussi découle de ces noms des attributs. Lorsqu'on dit qu'Allah il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, cela implique qu'il détient l'attribut de la miséricorde. Lorsqu'on dit wa huwa al-Qadir, al-Qadir par exemple parmi les noms sublimes, parmi les noms divins, qu'il est capable de toute chose, c'est celui Al-Qadir, celui qui a Sifat Al-Qudra, celui qui a l'attribut de la capacité de la puissance. Donc, chaque nom dénote, si on peut dire ainsi, ou induit, ou implique un attribut. Donc, quelle est la croyance et le dogme du croyant et de la croyante, du musulman et de la musulmane, concernant les noms et les attributs? L'auteur nous mentionne des règles, justement. Dans cette œuvre qu'on apprend, qu'on est en train de lire, on apprend des règles. Donc c'est bien toujours de se faire le rappel de savoir quelle est l'œuvre et quel est le livre qu'on est en train de lire pour bien comprendre. Parfois on étudie ou on lit un livre mais on ne sait pas quel est le but vraiment de l'auteur. Ça, c'est très important. Donc déjà, de cibler le but, qu'est-ce que veut l'auteur à travers cet écrit et cette œuvre. Que le lecteur, ou l'étudiant, ou celui qui lit cette œuvre, il apprenne des règles qui vont lui faciliter la compréhension. De sorte qu'on va, vous allez voir, on va ensuite arriver à un chapitre très pertinent où l'auteur va recenser les 99 noms. Et comme on verra dans le chapitre juste après le chapitre 6, ou bien la règle 6, que les noms d'Allah Azzawajal ne se limitent pas à 99. Lorsqu'on dit 99, et lorsqu'il est dit dans le récit, celui qui apprend et mémorise 99 noms, c'est-à-dire 99 noms qu'Allah Jalla wa'ala nous a enseignés, dont on a la connaissance. Sinon, les savants nous enseignent qu'Allah Azzawajal a plus de noms. Et ça va être le sujet de la sixième règle. Revenons à la cinquième règle. Dans cette règle, donc, on apprend, donc, c'est des règles. C'est pour ça, à chaque fois, on va les réviser. Bon, là, on va avancer un peu, puisqu'on avait fait une petite interruption pendant le mois du Ramadan. Donc, pour cela, on va avancer un peu. Mais à chaque fois, on révisera. À chaque fois, on révisera les règles précédentes. On fera une mention des règles jusqu'à, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, on va essayer d'arriver à une maîtrise des règles. À force de les répéter, première règle, deuxième règle, et à force de les répéter, de les réviser, eh ben, sans s'en rendre compte, vous allez voir, après ces assises-là, lorsque, si Allah nous le permet, on aura fini l'étude de ces règles, vous allez voir que, bi'idhnillah, il nous restera de nombreux enseignements qu'on aura pris de l'étude de ce livre. Le principal ensuite, c'est de bien avoir la conception, d'avoir une bonne conception des différentes règles qu'on a apprises, d'avoir une bonne conception. Pourquoi ? Parce que la bonne conception d'une chose dérive de cela le bon jugement de celle-ci. C'est pour ça que les grands savants, ils disent dans une règle, Al-hukmu al-shay far'un an tasawwuri. Ça, c'est une règle chez les grands savants de la jurisprudence. Ils disent, la règle dit, Al-hukmu al-shay far'un an tasawwuri. Le jugement d'une chose dérive de la bonne conception de cette chose. Aujourd'hui, de grands savants, par exemple, musulmans, les grands savants, lorsqu'on leur pose la question, par exemple, sur la nouvelle finance moderne, mondiale. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a, au niveau de la finance ou autre chose, des choses qui sont des questions contemporaines, que dans les autres siècles, les grands savants musulmans ne connaissaient pas, c'était pas apparu à leur époque. Donc, il y a toujours des questions qui sont contemporaines, des questions qui surviennent à une époque qui n'était pas présente dans l'époque précédente, vu la modernité et l'évolution du temps. Donc, il y a des questions sur la finance, par exemple, sur des nouvelles monnaies ou autres. Comment les grands savants musulmans vont statuer et apporter un jugement sur la laïcité ou la non-laïcité, sur le caractère licite ou non de celle-ci? D'abord, ils vont étudier la question et vont faire appel à des spécialistes, par exemple dans la finance, qui vont bien leur expliquer ce qu'est, par exemple, cette nouvelle monnaie, ou cette nouvelle finance, ou cette nouvelle transaction. Alors, ces spécialistes de la finance vont leur donner tous les tenants et les aboutissants de cela. C'est ça ce qu'on appelle la conception d'une chose, pour qu'ils aient ensuite une bonne conception de la question. Et donc, ensuite, leur jugement de la question dérive de la bonne conception de celle-ci. Donc, si vous voulez, une question vous est posée, cette question-là, il faut se l'imaginer. Et donc, il faut avoir la conception de celle-ci. Et il faut, dans son esprit, avoir une bonne conception de celle-ci. De sorte qu'ensuite, la réponse, tant qu'on a bien compris et qu'on a une bonne conception de la question, ensuite, eh bien, est plus à même d'avoir et d'émettre un bon jugement. Mais celui dès le départ qui a mauvaise conception, tout simplement, il n'a pas compris, ça va avoir des conséquences sur la réponse. Ça, j'essaie de vous expliquer très grosso modo la règle qui dit الحكم على الشيء فرع عن تصوره. Ça c'est très important. Le jugement d'une chose dérive de la bonne conception de la chose. Pourquoi je vous ai dit ça? Nous on parlait dans les questions. Voilà. Ici, c'est pour cela qu'on essaie de bien expliquer, de bien schématiser. Pourquoi? Parce que si on a la bonne conception des chapitres qu'on étudie et des thèmes qu'on étudie, alors ensuite, de là dérive le bon jugement. Le bon jugement et la bonne connaissance et la maîtrise de la question. La maîtrise de la question. Taïb. Donc dans la cinquième règle, qu'est-ce qu'on avait appris? L'auteur nous apprend une des règles concernant les noms divins, les noms de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. L'une des règles, c'est qu'elles sont tawqifiyah. Maintenant, on peut rester sur le terme en arabe, tawqifi. On peut rester sur le terme en arabe. Pourquoi? Parce qu'on l'a bien explicité hier. On l'a bien détaillé hier, le thème tawqifi. C'est-à-dire tawqifi concernant les noms d'Allah, on se limite au texte. On ne peut pas outrepasser les textes. Il n'y a pas de place à la raison humaine. On ne peut pas inventer des noms. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui se nomme et qui s'est nommé par des noms. Et c'est lui qui nous a informé à son sujet, le Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc nous, notre imagination, notre raison est limitée par rapport à cela. Donc le domaine des noms, c'est ce qu'on appelle tawqifi. Comme on dit, tawqifi, ça vient du terme waqafa. Le fait de s'arrêter. Yuqifu. Yuqifu, c'est le fait d'arrêter. Waqafa, yaqifu, awqafa, yuqifu, par exemple. Donc, le fait de yatawqaf, al-insan, il s'arrête. On s'arrête dans le sens au texte. On s'arrête au texte. C'est pour ça, dans une traduction, la traduction du livre, ils ont dit d'institution divine. Tawqifia, ils ont, pour faciliter, ils ont traduit par institution divine. C'est-à-dire que c'est pour sous-entendre que la raison humaine n'a pas de place dans cela. Vous savez, avant, par exemple, ce terme tawqifi, vous trouvez dans de nombreuses questions. Vous trouvez dans de nombreuses questions. Même, par exemple, sur les questions des langues. Des langues, les savants, les grands savants des linguistiques, des langues, par exemple, et même dans les premiers siècles, on traitait la question, est-ce que la langue, par exemple, la langue arabe ou d'autres, est-ce qu'elle est tawqifi? Est-ce qu'elle est d'institution divine? Ou bien, c'est dû à l'évolution, elle fait partie des choses liées à l'homme. C'est l'homme. Et beaucoup de savants considèrent que la langue, elle est d'institution divine. Conformément au verset, lorsqu'Allah dit « Wa'allama Adam al-Asma » Et Allah a enseigné à Adam les noms de toutes choses. Les noms de toutes choses. Et bien vous savez, dans les premiers temps, c'était déjà un débat entre Al-Mu'tazila et Ahl-Sunnah. Entre Al-Mu'tazila et Ahl-Sunnah. Qui Ahl-Sunnah considérait que la langue est d'institution divine. Tawqifi. Elle est tawqifi, elle l'aura. Al-Mu'tazila, non. Qui eux considèrent qu'elle est institutionnelle. Elle n'est pas d'institution divine. Mais elle est à l'inverse. C'est l'homme qui l'a créé, la langue. Donc déjà, le premier sac, c'était déjà un sujet de débat, le sujet de est-ce que la langue, elle est tawqifiya ou non. Ou non. Al-Muhim, pour revenir à notre sujet. Les noms d'Allah, eux, sont tawqifi. On les apprend à travers les textes. On ne peut pas outrepasser cela. On se limite au texte. C'est ce qu'on apprend dans cette règle. Et donc, pour cela, l'auteur, il a mentionné deux versets. Deux versets. On a dit le verset 36 de la Sourate al-Isra. C'était le sujet de la dernière assise, le sujet d'hier. Et il a mentionné le verset 33 de la Sourate al-A'raf. Et on a dit que ça sera le sujet du jour. Pourquoi? Parce que hier, on a pris l'explication du verset wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada. Donc hier, on avait pris l'explication de ce verset. En quelque sorte, c'était l'auteur a donné une interprétation du verset avec des enseignements bénéfiques. Aujourd'hui, on va étudier le deuxième verset. Et ce verset-là, vous allez voir qu'il y a, même si à première lecture, vous savez, des fois, on lit des passages à première lecture, par rapport au niveau d'instruction de chacun, lorsque je dis niveau d'instruction, dans la religion et dans la langue arabe et dans le fait que la personne est érudite ou non. Parfois, à première lecture, on n'arrive pas à percevoir de nombreux enseignements, justement, qu'on peut tirer de ces textes-là. De ces textes-là. C'est pour ça que le fait de lire les interprétations de grands savants de la communauté, vous allez voir qu'ils nous mettent en lumière des enseignements qui sont immensément importants pour le croyant et la croyante. Comme vous allez voir, dans le deuxième verset qu'a cité l'auteur, donc le verset qu'on a étudié hier, l'auteur nous avait cité le verset où Allah Azza wa Jal dit une traduction relative, « Ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Certes, lui, la vue et le cœur, tout cela a un responsable. » C'est-à-dire tout cela sera interrogé. Donc, dans le sens « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ » ne poursuis pas. Puisqu'on avait dit « وَلَا تَقْفُ » c'est dans le sens « لَا تَتَّبِعَ » « لَا تَتَّبِعَ » dans l'explication du verset. « Ne poursuis pas, ne suis pas, ne va pas vers ce dont tu n'as pas de connaissance. » Car Allah dit « la vue, l'écoute, ou plutôt avant l'audience, la vue et le cœur sera interrogé. » Sera interrogé. On sera interrogé sur cela. Donc, il ne faut pas aller vers ce dont on n'a pas de connaissance. Et donc, l'auteur, s'il a cité ce verset dans cette cinquième règle concernant les noms et les attributs, on comprend bien pourquoi. Il nous fait le rappel avec ce verset. Ne va pas attribuer à Allah Azza wa Jal ce dont tu n'as point la connaissance. Ne dis pas des choses sur le Créateur ce dont tu n'as point la connaissance. Ce dont tu n'as point la connaissance. Pour bien comprendre, il y a une chose, il faut toujours revenir, pour bien comprendre le contexte des choses, sachez que, pour bien comprendre le domaine de la croyance et du dogme, et le nombre d'écrits, vous avez vu que beaucoup de savants musulmans, surtout les savants de la Sunna, ont beaucoup rédigé dans le domaine de la croyance et du dogme. Pourquoi ? Parce que sachez, ce qu'il faut comprendre, dans les siècles antérieurs, dans les siècles précédents, les sujets de religion et de théologie, c'était des sujets à débat. Les sujets de société, c'était des sujets de théologie, de religion. Que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient, dans les siècles précédents, c'était des gens qui étaient très religieux. Très religieux. L'Europe, par exemple, est connue pour son histoire avec la religion. Aussi bien au Moyen-Orient ou dans d'autres régions du monde. Donc les débats de société, ce n'était pas comme les débats d'aujourd'hui. Mais les débats de société, c'était des débats, il y avait beaucoup de débats théologiques, des débats sur la religion. Et donc, dans la société, il y avait l'émergence parfois d'hérésies. Et les grands savants de la religion, justement, rédigeaient, écrivaient, défendaient justement les enseignements et l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pas que cela soit altéré. Donc vous comprenez, ça il faut bien le comprendre, pourquoi les savants ont rédigé sur la croyance et ont traité des questions que peut-être aujourd'hui vous allez dire, mais pour nous c'est clair. Sauf que dans des siècles précédents, c'était des grands sujets de débat. Vous savez, pour des questions par exemple qu'on peut traiter là, que pour nous aujourd'hui c'est clair, on voit que des savants ont rédigé des pages et des pages et des livres. À l'époque, certains savants étaient emprisonnés pour ces questions-là. Par exemple, la question à l'époque de l'Empire Abbasside, où les grands savants avaient hérité de génération en génération que le Coran, c'est la parole du Créateur, ce n'est pas une création, c'est la parole incréée, révélée du Créateur. Donc ça, c'était clair, chez les grands savants musulmans, ils ont hérité ça de génération en génération. Jusqu'à ce que, à l'époque de l'Empire Abbasside, la dynastie Abbasside, jusqu'à un moment donné, a émergé dans la société un courant qui, eux, commençait à propager le fait, une nouvelle croyance, qui était considérée à l'époque chez les grands savants musulmans comme hérésie, comme c'est considéré aujourd'hui aussi, hérésie, le fait de dire que le Coran n'est pas la parole incréée, mais c'est une création. C'est une création. Pourquoi cela a émergé ? Parce que, justement, les partisans de ce courant n'admettaient pas l'attribut du créateur de la parole, ce qu'on appelle Sifat al-Kalam, l'attribut de la parole. Ils ne l'admettaient pas. D'ailleurs, les partisans de ce courant, de cette tendance, n'admettaient pas les attributs d'une manière générale. L'affirmation et l'attribution d'attributs au créateur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, avec les années, ils se sont rapprochés du calife. Au départ, c'était une croyance qui était marginale. Jusqu'à, avec le temps, ils l'ont propagé. Ça s'est propagé de manière secrète dans la société abbasside à l'époque, et c'était à Bagdad, en Irak actuel. Ça s'est propagé secrètement jusqu'à ce que les partisans de ce courant et les leaders de l'époque de ce courant, comme à titre d'exemple Ibn Abi Doued, se sont rapprochés du gouverneur et du calife. Et ont convaincu le calife. De là, la croyance au fait que le Coran est une création, que la parole est créée et non incréée, s'est propagée et ça fait un grand débat. Et de là, comme on l'avait déjà expliqué dans les assises, de grands savants musulmans étaient conviés, même plutôt conviés, ils étaient obligés, forcés de venir et d'avoir un interrogatoire. Quelle était leur pensée sur le Coran ? Est-ce que c'était la parole du Créateur ou bien c'était une création et ils étaient forcés sous la contrainte de dire que c'est une création, que c'est pas la parole du Créateur. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, lorsqu'a émergé le Coran, ce qu'on appelle les Atizel, alors ils ne voulaient pas admettre l'attribut de la parole. Pour eux, c'était inconcevable et pour eux, c'était un blasphème sur le Créateur. Donc vous voyez, c'est un grand sujet de débat. C'est là que l'imam Ahmed ibn Hanbal fut emprisonné, d'autres savants furent emprisonnés sur le simple fait qu'ils disaient, ils ne voulaient pas admettre, ils ne voulaient pas dire, ils ne voulaient pas professer, attester que le Coran était une création, mais que le Coran c'est la révélation. Et c'est pour cela qu'ensuite, regardez dans le poème de Ibn Abi Daoud, le célèbre compilateur de Sunan Abu Daoud, son fils était un grand savant, à l'instar comme son père. Et dans ce célèbre poème qu'il a rédigé dans le domaine de la croyance, regardez, dans les premiers siècles, il rédigeait des poèmes dans la croyance. Pourquoi ? Pour la protéger. Pourquoi ? Parce que c'était des sujets de société qui émergeaient au niveau de la croyance. Regardez ce qu'il disait. « Tamassak bihablillahi wa tabi'il huda wa la takun bida'iyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu wa qul ghayru makhluku kalamu malikina wa qul » Regardez dans sa profession de foi, qu'est-ce qu'il dit après avoir fait la présentation, dans le, si je ne me trompe pas, dans le troisième vers, « Tamassak bihablillahi wa tabi'il huda wa la takun bida'iyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu wa qul » Donc le troisième vers. Dans le troisième vers, regardez, tout de suite, dans sa profession de foi, c'est le fils de Ibn Abi Daoud, il s'appelle Ibn Abi Daoud, le fils d'Abu Daoud. Dans sa profession de foi, le troisième vers, il fait allusion à la question du Coran. Wa qul ghayru makhluqu kalamu malikina bidhalika dana al-atqiyahu wa afsahu. Et il dit dans la profession de foi et professe, atteste, wa din bi kitabillahi et professe que la parole d'Allah est incréée. C'est pas une création, c'est la parole du Créateur. Là, on est à peu près au 4e, 5e siècle. Là, on est presque au 15e. Vous avez vu tous les siècles qui ont avancé. Donc, comprenez, lorsque vous lisez les écrits, il y a certaines questions que, c'est vrai que nous, à l'époque, on peut se dire, pourquoi tant d'encre qui a coulé pour ces questions? Pourquoi? Parce que dans les siècles précédents, c'était des questions de société, des débats de société. Les sociétés étaient très religieuses. Et les sujets de débat souvent tournaient autour de la religion. Alors regardez, revenons au sujet. Pourquoi l'auteur cite ces deux versets? Le premier verset qu'on a expliqué hier. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Et ne poursuis pas, ne va pas vers ce dont tu n'as point de connaissance. L'auteur veut nous faire un rappel par ce verset. Ne blasphème pas sur le Créateur. ne parle pas sur le créateur. Ne dis pas ce dont tu n'as point de connaissance sur le créateur. On ne peut pas inventer. On ne peut pas inventer des noms au créateur. Ce qui prouve, si on ne peut pas inventer des noms, ce qui prouve que c'est tawqifi, qu'on se limite au texte. Et ça, c'est la cinquième règle, tout simplement, qu'on est en train d'apprendre. Dans l'autre verset qu'on va apprendre et lire l'interprétation, l'explication, vous allez voir, c'est un verset immense aussi, comme tous les autres versets. Écoutez bien la traduction du verset et regardez les enseignements et où qu'on a besoin aujourd'hui de ces enseignements-là, comme vous allez voir, une traduction relative du verset. Le deuxième verset qu'a mentionné l'auteur pour faire un rappel de ne pas aller vers ce dont ne pas s'avancer, dans ce dont on n'a aucune connaissance, on n'a point de savoir. Une traduction relative du sens du verset, Allah Azzawajal dit, dans le verset, dit, s'adresse au prophète, sallam. Allah ordonne au prophète de dire. De dire quoi? Regardez. Dit, Allah a seulement interdit les turpitudes, tant apparentes que secrètes. De même que le péché, l'agression sans droit, l'association à Allah, ce dont il m'a fait descendre aucune preuve, et de dire d'Allah ce que vous ne savez pas. Ça donc c'est le verset 33 dans la sourate Al-A'raf, pour ceux qui veulent s'y référer et revenir et faire des recherches plus approfondies sur ce verset. C'est un verset qui est immense. Dans ce verset-là, vous allez voir, il y a l'interdiction de 5 choses. Donc, si vous lisez le verset, à simple lecture, il y a un grand rappel. Mais en lisant ensuite l'interprétation, l'explication des savants, vous allez voir qu'il y a des enseignements que beaucoup de gens de la masse, de gens à la base qui ne sont pas forcément érudits et spécialistes dans la lecture des textes, dans l'interprétation des textes, qui vont passer à côté, dont on va passer à côté. C'est pour ça qu'on va essayer très rapidement, parce que l'auteur il va vraiment résumer. Nous, on va résumer. Je vais vous lire l'interprétation du verset, on va résumer. Mais, pour avoir une bonne conception, pour moi, premièrement, dites-vous que dans ce verset, si vous observez, Allah Azzawajal a interdit 5 choses. Il dit au prophète que 5 choses sont interdites. Il y aura la mention de 5 choses. Regardez, dit. Allah s'adresse au prophète en lui disant de dire. Cool. Allah a seulement interdit les turpitudes, tant apparentes que secrètes. Premièrement, les péchés. Deuxièmement, l'agression, troisièmement, le shirk, quatrièmement, et le fait de parler sur le créateur, sur Allah, sans connaissance, cinquièmement. Vous avez vu, il y a l'interdiction de 5 choses. Il est dit, comment c'est dit dans le verset? Dit, Allah a seulement interdit les turpitudes, tant apparentes que secrètes. De même que le péché, l'agression sans droit, l'association à Allah, dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire au sujet d'Allah ce que vous n'avez pas de connaissance ou ce dont vous ne savez pas. Voilà le verset. En arabe, Allah Azza wa Jal dit, je vous le dis en arabe, le verset قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Là, c'est le verset en arabe. Dans l'explication, comme on avait déjà traité dans des sujets précédents, c'est une grande responsabilité d'interpréter le Coran. D'interpréter le Coran. Pourquoi? Parce que les versets ont été révélés par le Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc comme on l'a dit, le Coran n'est pas une création. C'est la parole d'Allah à créer, c'est la parole du Créateur. Et la preuve à cela est dans le Coran. C'est Allah Azzawajal qui nous informe à son sujet qu'il a bien et bien parlé. Puisqu'il dit « Wa kallamallahu Musa takliman » Dans un autre verset, Allah dit « Wa kallamahu Rabbu » Dans un autre verset, « Hatta yasma'a kalamallah » ou « Hatta yasma'a kalamallah » Et différents versets, Allah Azza wa Jal nous dit, il a certes parlé à Moussa, le prophète Moussa. C'est pour cela que le prophète Moussa a été appelé, surnommé Kalimullah, celui dont Allah Azza wa Jal s'est adressé à lui, il lui a parlé. Dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala dit, wa kallamahu Rabbu, et son Seigneur lui a parlé. Dans un autre verset, Allah dit, jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Vous avez bien donc ces différents textes qui nous prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Il parle. Et du fait que nous attribuons la perfection au Créateur, cela prouve la perfection du Créateur. Pourquoi ? Parce que le contraire de la parole, c'est le fait d'être muet. Et ça, c'est une imperfection. Et l'imperfection, on ne peut dans aucun cas, de manière absolue, on ne peut dans aucun cas l'attribuer au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et donc la perfection, c'est de parler. Sauf que, comment est-ce que le Créateur parle ? Allahu a'lam, on ne sait pas. Est-ce que sa parole est comparable à l'être humain, à sa créature ? Non. La preuve, Allah dit dans le Coran, « Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. » Il n'y a rien qui est comparable à lui, il est certes l'audient, le clairvoyant. Traduction relative du sens du verset. Donc, rien n'est comparable à lui. On sait qu'il parle, le Créateur. Comment ? Allahu a'lam. Est-ce qu'on cherche le comment ? Non. Est-ce qu'on peut faire de la comparaison ? Non. Par contre, ce qui nous est interdit, c'est de nier ou de falsifier. On ne peut pas falsifier les textes. Allah s'est adressé à des prophètes et leur a parlé. De sorte, on revient maintenant à l'interprétation du verset, de sorte qu'on disait que donc Allah a révélé son livre, a révélé des versets, et donc qu'il y a un voulu, ce qu'on appelle muradullah. Qu'est-ce qu'Allah veut à travers ces versets ? Celui qui l'interprète dans le bon sens, celui qui connaît le voulu d'Allah Azzawajal peut l'interpréter dans le bon sens. Mais si le croyant interprète le verset, mais ce n'est pas le sens voulu par le Créateur, là on est dans de l'interprétation interdite. On ne peut pas interpréter selon un sens qui n'a pas été voulu par le Créateur. C'est lui, l'auteur, subhanahu wa ta'ala, de ses paroles. Vous comprenez ? C'est pour cela que la gravité de parler au sujet d'Allah, de dire au sujet d'Allah, ou de faire dire au Créateur ce qu'il n'a pas dit. Dans l'interprétation de ce verset, l'auteur nous dit, innama, le verset commence à qul, innama. Innama dans langue arabe, c'est un outil de restriction. C'est pour ça, pour bien comprendre des versets, on a besoin d'avoir une maîtrise de la langue arabe. Innama, c'est ce qu'on appelle en arabe adat ou hasr. Adat ou hasr, c'est un outil de restriction. Innama, regardez dans le verset, Allah dit, innama harrama rabbiya. Harrama rabbi. Certes, c'est pour ça qu'innama, en français, on peut le traduire par certainement, certes, vraiment, seulement. Seulement, pourquoi ? Parce que c'est un outil de restriction. C'est comme s'il n'y a que cette chose. C'est pour ça, souvent, dans l'interprétation ou bien la traduction du Coran, ils disent « seulement, certainement ». Allah ou « harrama rabbi al-fawahish » « mon Seigneur », Allah dit au prophète de dire « dit, certes, mon Seigneur a interdit ce qu'on appelle « al-fawahish ». Les cinq choses qui sont interdites dans le verset, on a cinq mots. « Fawahish »« al-ithm » والبغي والشرك والقول على الله بغير علم. C'est ces cinq choses qui sont citées. Donc la première, c'est le fawahish. Qu'est-ce que le fawahish en arabe ? Que nous, on traduit souvent en français turpitude. On traduit souvent turpitude. L'auteur va nous expliquer. Al fawahish maf'oul. Harrama ya'ni ma harrama illa kaza. Et observez dans la traduction. Regardez, lorsque je reprends la traduction. Dans la traduction de ce verset, on lit, dit, Allah a seulement interdit les turpitudes, tant apparentes que secrètes. Où est-ce que vous voyez le terme seulement ? Allah a seulement interdit les turpitudes, tant apparentes que secrètes. Lorsque vous lisez le verset de manière littérale, innama qul innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan. En fait, Nous, on a lu la traduction. On l'a lu rapidement. Mais en fait, nous, ce qu'on a lu rapidement, la traduction approximative, c'est un effort et un travail considérable qui a été fait derrière. Pour traduire ce verset de cette manière, les traducteurs ont réfléchi, ont pensé, sont revenus à des interprétations. Vous savez, c'est pour ça que nous, souvent, on lit des livres, on lit, mais derrière, il y a un grand travail, surtout pour la communauté francophone qui lise des traductions. Il y a, les traducteurs se sont, ont fait des efforts considérables dans la traduction. Ensuite, on fait réviser cela. C'est pour ça que vous voyez souvent, ils disent traducteur, ils présentent le traducteur, ensuite ils disent l'équipe qui ont révisé. Pourquoi? Parce qu'ensuite la traduction a été révisée. Donc ça a été discuté. Souvent les traductions, ils se sont, c'est pas une personne seulement, mais ensuite ça a été discuté. Là, regardez, à la lecture, quand vous approfondissez un peu, on voit qu'ils ont traduit avec l'explication. Et que là, ils ont pris en considération cette explication du terme innama. Innama. Puisqu'on vient de dire innama dans la langue arabe, ça veut dire certainement. C'est pour dire certes. Mais aussi dans la langue arabe, il a le sens de c'est un outil de restriction. C'est comme s'il n'y a que ça. Ce qu'il va citer, c'est comme s'il n'y a que ça. Et ça, ils l'ont pris en considération. C'est pour cela que regardez qu'ils ont traduit Allah a seulement interdit. Littéralement, vous ne trouvez pas le terme seulement. Si on traduit littéralement, si on va pas vraiment au cœur de l'explication et de la particule innama dans le sens linguistique, on va traduire dit, certes, le Seigneur a interdit. Certes, le Seigneur a interdit. Mais ils ont mis, dit, certes, seulement. Seulement, pourquoi? Parce qu'ils ont pris en considération que innama wa adatu hasl dans la linguistique arabe. Vous avez vu? Nous, on lit, mais c'est un effort et un travail considérable qu'il y a derrière le fait de traduire comme ça dans différentes langues. Allah a seulement interdit. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre dans le verset? Allah a seulement interdit quoi? Ces choses qui sont citées. Al-fawahish, wal-ithm, wal-bari, wal-shirk, wal-qawla Allah bi-ghayri. C'est comme si il n'y a que ça. C'est ça qui est interdit dans la religion. Et c'est comme ça, Allah Azzawajal dit au prophète, dis-leur que voilà ce que le Seigneur, exalté et glorifié soit, et glorifié, exalté soit-il, glorifié soit-il, a interdit. Qu'est-ce que le fawahish? Al-fawahish, comme on a dit, qu'on traduit par la turpitude, c'est le mal. C'est le fait de commettre al-fahisha. Et l'auteur, il nous dit que le sens, lorsqu'Allah dit Innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah dit, Allah interdit les turpitudes, ces péchés-là qui sont turpitudes, qui sont fahisha. C'est des péchés très graves. Allah les interdit, ce qui apparaît, ce qui est caché. Ce qui peut être apparent, ce qui peut être caché. Quel est le sens de cela? L'auteur ici, Cheikh, il nous dit, le savant, il nous dit, cela sous-entend, ou plutôt suppose, deux sens. Suppose deux sens dans le verset. C'est-à-dire que ce qui nous interdit, c'est le fawah et cette turpitude qui, tant apparente que cachée. Quel est le sens de temps apparente que caché? Il dit, ça suppose deux sens. Falmarn al-awwal, le premier sens. Mazahara minha, temps apparent dans le sens par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes. Fal-insan, c'est le fait que l'homme, par exemple, le criminel, va commettre le mal, et ceci en public. Va commettre al-fahisha, la turpitude, en public. Et donc, c'est ça le sens apparent. Ça devient, cette chose-là devient apparente aux yeux des hommes. Pourquoi? Parce qu'il le fait en public. Et il dit, kama yujadu fi bilad ad-da'ara ila akhir al-kalam. Wa ma batan ay khafiya. Et le sens de caché, dans le sens, c'est pas apparent pour les hommes, pour les gens. C'est fait de manière dissimulée, de manière cachée. Ça, c'est le premier sens qu'on peut retenir, qu'on peut comprendre. Allah, il a interdit les fawahish, qui peuvent être apparentes ou cachées. Quel est le sens de l'apparent ou caché voulu dans le verset? Fait en public ou bien dissimulé. Qui n'est pas fait aux yeux de tous. La personne cache et dissimule son mal. Deuxième sens, وَيَحْتَمِلُ الْمَعْنَى الثَّانِي. Ça sous-entend un deuxième sens. أي مَا ظَهَرَ فَحْشُهُ وَمَا خَفِي. وَمَا خَفِي. Le deuxième sens, qu'ont mentionné certains savants, comme fait allusion ici l'auteur, le deuxième sens, certains l'ont expliqué comme étant ce qui est apparent et caché, c'est quoi? C'est le mal ou le côté néfaste de al-fahisha, de la turpitude. C'est-à-dire le fait que le mal de la turpitude est connu. Il est apparent de tous. Tout le monde sait que c'est mal. Cette chose-là est mal. Et parfois caché à une partie de gens. Une partie de gens, par exemple, n'ont pas la connaissance du mal de cette turpitude. Vous avez vu le sens subtil, comment certains savants l'ont expliqué, comment certains savants l'ont compris. Regardez. Il dit, وَيَحْتِمِلْ الْمَعْنَ الثَّانِي أي مَا ظَهَرَ فَحْشُهُ وَمَا خَفِيَ بِأَنْ تَكُونَ أَوْ يَكُونَ هَذَا الْفِعْلُ فَحْشُهُ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ. Lorsqu'on dit apparent, c'est-à-dire que le mal de cette turpitude-là est connu de tous. Tout le monde sait que c'est apparent, que ça, c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose de mal. لا يشك في أحد. Personne doute sur le mal de cette turpitude, par exemple. وَهَذَا الْفِعْلُ فَحْشُهُ خَفِي قَدْ يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ. Ou bien parfois, l'acte, hein, cette turpitude-là, parfois, son mal peut être caché, pas apparent pour tout le monde. Certains, parfois, eux, connaissent pas le mal de cette turpitude. C'est pas forcément clair pour eux. Comme il nous l'explique. إِذَا كَانَتِ الْآيَةِ تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ عَلَى السَّوَى وَلَا مُرَجَّحَ فَالْوَاجِبُ أَنْ تُحْمَلَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا. Donc ça, c'est l'explication pour qu'on puisse avancer, pour qu'on soit bref et concis. Maintenant, l'auteur, dans la dernière phrase, pour ceux qui suivent le texte en arabe, vous avez vu la dernière phrase de cette explication du paragraphe, il soulève une question immense. On a deux sens mis en avant. Est-ce que les savants ont émis un troisième sens? Wallahu a'lam. Je ne sais pas, ça nécessite vraiment la personne qui est... et eu accès à de nombreux livres. Ça, c'est le cas, pardon, des savants. Ils ont tellement pris connaissance de livres d'interprétation du Coran, puisque de nombreux savants ont rédigé des livres, ont écrit sur l'interprétation du Coran. Certains savants l'ont fini, d'autres savants n'avaient pas fini, avaient commenté quelques sourates du Coran, et beaucoup de savants ont fini l'interprétation. Il y a tellement de... Les grands savants ont eu accès à tellement d'œuvres, eux peuvent savoir. C'est pour ça que là, ce que nous dit Shir, il nous résume. Mais ça, c'est sûr que c'est lié derrière tout ça. Il y a de la lecture, des recherches, et là, il nous facilite, comme il est dit, il nous vulgarise là, il nous facilite là, cela. Sinon, ça, il faut lire, il faut chercher pour savoir que il y a ces deux sens. Est-ce qu'il y a d'autres sens? Peut-être, Wallahu a'lam. Il faut chercher. Est-ce que d'autres savants ont interprété d'une autre manière? En tout cas, là, l'auteur nous fait allusion de deux sens supposés du verset. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, on comprend le verset selon le premier sens? Lorsqu'Allah dit, Allah, il a interdit la turpitude, le sens apparent et caché, c'est dans le sens ce qui est fait en public et ce qui est fait de manière cachée, dissimulée. Ou bien c'est dans le sens dont le mal est apparent, les gens connaissent le mal de certes-ci, et parfois il peut être non apparent dans le sens le mal de cette turpitude pas connu. C'est quoi le sens qu'on prend? Regardez ce qu'il dit. Il va nous répondre. Il le dit en une seule phrase. Sauf qu'il faut pas passer à côté. Parfois on peut lire vite, mais on va passer à côté. Parce que le shir, il pose pas la question comme je viens de la poser. Moi je la pose pour pas que cette phrase, elle passe sans qu'on puisse la comprendre. Mais en réalité, il répond à une question. Il répond à une question. C'est pour ça, avec les savants, du fait que eux, ils ont cet art et la manière de résumer et de simplifier, de faciliter les choses, qu'il faut faire attention, des fois en deux, trois mots ou en une phrase, c'est le sujet d'un livre. Parfois, vous allez voir, les savants, sur cette phrase-là, ils ont rédigé des livres. Mais c'est vrai, c'est Ajib. Regardez ce qu'il dit. Il dit, en une phrase, « وَإِذَا كَانَتِ الْآيَةُ تَحْتَمِلْ مَعْنَيَنْ عَلَى السَّوَاءِ وَلَا مُرَجَّحَ فَالْوَاجِبُ أَنْ تُحْمَلْ عَلَيْهِمَا جَمِعًا » En une phrase. Il sous-entend cette question. Il dit, du fait, il va nous répondre à une question que nous, on va se poser. Quel est le sens qu'on va faire prévaloir? Il dit, si maintenant le verset suppose les deux sens de manière égale, les deux sens sont plausibles et clairs. Ça peut être ce sens-là, comme le verset peut supposer ce sens-là. Et il dit, on n'a pas d'éléments, on n'a pas d'autres éléments, d'indices, qu'on a pu trouver, d'où on va déduire que c'est le premier sens qui est à retenir. Parce que si on a, les savants, parfois, dans d'autres versets ou d'autres textes, ils ont des indices que c'est le premier sens qui est voulu. Si on n'a pas d'indice que c'est le premier sens ou le deuxième sens, alors regardez ce qu'il dit. Il dit alors, le verset, on le comprend selon les deux suppositions. Les deux suppositions sont bonnes. On peut le comprendre de ce sens-là et de ce sens-là. Wadih al-Kalam ? Ça, c'est très important parce que ça nous aide ensuite dans... Vous savez, tout ce qu'on apprend comme ça, retenez-le. Parce que tout ça, c'est des notions qui vous aident ensuite dans la lecture des livres. Dans la lecture des livres. Taïb. والواقع يشهد بهذا بعض الأشياء فحشه ظاهر لكل أحد وبعضه يخفى على بعض الناس. Il dit, dans la réalité des choses, dans la réalité, dans la vie qu'on mène, il dit c'est clair. C'est-à-dire ce sens-là qu'on vient de dire, c'est clair. C'est que la turpitude, parfois, il y a une partie de gens qui reconnaissent le mal de cette-ci, et une autre partie de gens qui, pour eux, le mal de cette-ci n'est pas clair. C'est pas quelque chose d'apparent. Pour d'autres, c'est apparent, c'est clair. Comme l'eau de roche, comme on dit, c'est clair. Et pour d'autres, non. Donc il dit, même dans la vie, on le voit ça, pour certains. C'est vahir, en termes en arabe, c'est vahir, c'est quelque chose d'apparent. Batin, c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose de caché. Regardez la subtilité de la langue arabe. Vahir ou batin. Vahir donc, c'est ce qui est apparent. Batin, c'est ce qui est caché. Vous avez vu comment on l'explique. Vahir, batin, on peut même dans la croyance, vous avez vu ces deux termes, on peut même les attribuer à Allah. Wa huwa zahir, wa huwa al-batin. Sauf que le sens n'est pas ce qu'on vient de dire. Vous avez vu la subtilité de bien apprendre. Al-zahir wa al-batin, lorsque c'est pour Allah. Anta al-awwalu fa laysa qablaka shay. Lorsqu'on dit Allah est le premier, anta al-awwalu, tu es le premier, c'est dans le sens qu'il n'y a personne avant toi. Wa anta al-akhiru, et nous disons qu'Allah est le dernier, dans le sens fa laysa ba'daka shay, il n'y a rien après toi. Wa anta al-zahiru fa laysa dunaka shay. Wa anta al-batinu fa laysa fawqaka shay. C'est dans ce sens-là. Il n'y a rien en dehors de toi et rien au-dessus de toi. Dans une traduction là-dessus, j'étais en train de réfléchir, mais je vais réviser la traduction. Dans le sens al-zahiru wal-batinu, il n'y a rien en dehors de toi, rien au-dessus de toi, subhanahu wa ta'ala. Al-muhim, ici le sens de zahiru wal-batin, ce qui est apparent est caché. Qala وبعض الفواحش تظهر وتعلن وبعضها تستر وتكون في البيوت. Et dit comme l'autre sens, le premier sens qu'on a pris. Parfois la turpitude elle est pratiquée de manière publique. On le voit. C'est pas caché. Et parfois elle est cachée, elle est dissimulée. La personne il fait ça chez lui. La personne il fait ça chez lui. Il y a des personnes, certaines turpitudes, ils le font pas en public. ils le font de manière cachée. Et parfois, il y en a, ils le font, ils se cachent pas, ils le font en public. Vous avez vu le verset peut sous-entendre le premier sens comme le deuxième sens. Ensuite, ça, c'est la première chose, c'est le fawahish. Ensuite, vous avez vu, on va pas rentrer dans les détails puisque l'auteur veut revenir au sujet. Il va revenir au sujet. Le fait de ne pas parler sur Allah sans savoir, c'est le cinquième point qui est mentionné dans le verset. C'est pour ça qu'on avance. Sinon, ensuite, vous pouvez vous approfondir et vous référer dans des interprétations ou des livres où ils expliquent qu'est-ce que la turpitude. C'est quoi Al-Fahisha, la turpitude. Al-Ithm. Al-Ithm, le péché. Le deuxième qui est cité, Al-Ithm, c'est le péché. Sauf qu'on a le troisième, c'est Al-Bari. Ou Al-Bari, c'est le péché aussi. Pardon. Al-Ithm, à la base, c'est le péché. Ou Al-Bari, c'est le péché aussi. Les deux termes sont le péché. Sauf qu'il y a une différence. Regardez dans la traduction, ils ont dit Allah a seulement interdit les turpitudes tant apparentes que secrètes, de même que le péché et l'agression sans droit. Donc vous avez vu, le premier terme il est traduit par péché et ensuite le deuxième ils l'ont traduit par agression sans droit. Biraydil haq. Pourquoi ils l'ont traduit par agression? Lorsque nous, on va expliquer ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, quoi qu'on aurait pu donner d'autres mots, mais le principal, c'est de comprendre. Et eux, c'est selon l'explication, ils ont cherché un mot. Ils ont cherché un mot, pourquoi? Parce que dans la traduction, on traduit la traduction du sens, mais on peut pas non plus mentionner une explication. Il faut traduire le sens. Il faut donner un mot au mot. Ici, il est cité le bari. Il faut donner un mot à bari. Donc, lorsqu'on vient à l'explication, ensuite, essayer de trouver un mot. Pourquoi ils ont dit agression alors que c'est le péché? Pourquoi? Parce que les grands savants nous expliquent. Al-Ithm, dans la langue arabe, c'est le péché. C'est ce qu'on appelle Al-Marsiya, c'est la désobéissance au créateur. Al-Lazim al-Lati la tata'adda sahibaha. La tata'adda sahibaha. C'est le péché dont la personne, en réalité, se fait du mal qu'à soi-même. Ce péché-là, il ne touche que le tort et proportionnel à lui seulement. C'est lui. Tandis qu'Al-Bari, c'est le marsiya, Al-Muta'addiya lil-Ghayr. Tandis qu'Al-Bari, c'est le péché aussi, sauf que de ce péché-là, il cause du tort à autrui. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a, péché, il y a des péchés, on se fait du mal à soi-même. Et puis, il y a des péchés où le mal dépasse la limite de la personne elle-même. Mais il y a un mal et un préjudice qui touche autrui. Qui touche autrui. C'est ça, Al-Bari. Et ça, retenez-vous bien, c'est une grande faïda, parce que lorsque vous lisez des hadiths du prophète dans le Coran ou dans les hadiths, ces termes-là reviennent, Al-Ithm ou Al-Bari. C'est des termes qui reviennent dans les livres. Et ça, pour notre culture générale, c'est très important pour la compréhension des livres. Si on ne se concentre pas sur les termes et sur l'explication des termes, c'est pour ça que parfois, on lit des livres et on comprend mal. Le problème de mal comprendre, c'est quoi? C'est que l'être humain, moins il connaît un domaine, une discipline, moins il lit, et le peu qu'il connaît, il pense que c'est tout ce qu'il y a dans le domaine. Il pense qu'il a la connaissance du domaine. Il a lu par exemple sur un sujet où les savants ont fait couler de l'encre. C'est des tomes et des volumes qui ont été écrits sur le sujet. Il a lu un petit épître, il pense qu'il est savant sur le sujet. Pourquoi ? Parce que dans son subconscient, dans sa tête, il n'a que ça. Donc lui, il pense que la question est restreinte à ça. S'il a pris un ou deux textes, un verset et un hadith sur la question, lui, il va se baser sur ce texte-là. Or, peut-être qu'il y a une dizaine de récits sur la question, dont il faut prendre en considération pour bien comprendre la question. C'est ça la problématique de l'ignorant. C'est pour ça que les savants, ils disent qu'il y a deux sortes d'ignorants. Il y a l'ignorant simple et l'ignorant aggravé. L'ignorance aggravée. L'ignorant simple, c'est celui qui ne sait pas et te dit « je ne sais pas ». Tu lui poses la question et te dit « je ne sais pas ». En quelle année est né le prophète, sallam, on l'appelle l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant. Il y a celui, vous lui posez la question, il ne sait pas que c'est l'année de l'éléphant. Il te dit « en quelle année est né l'année du prophète ?» Vous savez, les gens, à l'époque, ils donnaient des noms aux années par rapport à un événement qui s'est produit dans l'année. Il sait pas, il va dire, l'adri, je sais pas. Un autre, tu lui dis, quelle année est né le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Il va te dire, par exemple, il va te dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est né 800 ans, en l'an 800 après Jésus, Christ, après Isa, alayhi salam. Je lui dis, 800 ? Non, il est né bien avant. Il est né l'année de l'éléphant. Et l'année de l'éléphant, c'était bien avant. C'était bien avant. C'est après le 5e siècle, déjà, après Isa alayhi salam. Lui, tu dis, non, je suis sûr, c'est 8 siècles après. Là, on appelle ça de l'ignorance aggravée. C'est qu'il est ignorant, il ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Il ignore, mais il ignore qu'il ignore. Ça, c'est aggravé. Et que sont nombreux, cette catégorie-là, dans la religion. Dans la religion. Parfois, on entend des aberrations. Dans la religion, ils sont sûrs. Ils sont sûrs. Ils sont sûrs. C'est pour ça que beaucoup de gens, de jeunes ensuite, ont été manipulés. Ils font du mal à des innocents. Tu dis, mais là, tu fais du mal à des innocents. Et il te dit, ouais, mais je vais au paradis. Et subhanallah. Tu fais du mal et tu vas au paradis. Tu fais du mal. Et eux sont convaincus. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance des textes. Allah dans le Coran te dit, wa la taqtulu anfusakum, ne tuez pas vos propres personnes. Ils font ce qu'on appelle des attentats suicides. Donc déjà, ils font de mal, ils tuent des innocents et ils se tuent lui-même. L'ignorance est encore plus grave puisque il n'a pas le droit de tuer des innocents. Et en plus, il se tue lui-même. Et lui, il est parti tuer autrui et se tuer lui-même en pensant qu'il se rapproche du Créateur et qu'il va aller au paradis. Ajib. Et c'est ça l'innovation dans la religion. Et ces gens sont convaincus. Ils sont convaincus. Et vous leur apportez les textes, il est convaincu. Pourquoi ? Comment il est convaincu ? Son ignorance. Un ignorant, c'est très dur, c'est très compliqué de parler avec lui. Il n'a pas les outils. Il ne peut pas te comprendre. Vous avez vu, lorsque vous allez chez le médecin, il ne débattra pas avec vous. Vous allez lui dire vos symptômes, lui il va donner un diagnostic, voilà tu as ça. Oui mais médecin, écoute, prends tel traitement. Oui mais médecin, tu n'es pas convaincu, va voir un autre médecin. Vous avez déjà vu un médecin qui débat avec vous ? Il ne peut pas débattre avec vous, vous ne connaissez pas, on ne connaît pas la discipline. S'il commence à mentionner des termes dans la discipline, le patient va pas comprendre. Ce qui vient te donner en quelques phrases, tu vas prendre tel traitement pour telle chose parce que tu as tel symptôme, ça fait, c'est 10 ans d'études. Il peut pas te résumer 10 ans d'études comme cela. C'est trop compliqué de tout expliquer. Donc il vient et te dit, prends ça, fais ça. T'es pas convaincu, va chez un autre médecin. Et si vous observez bien, même les gens, maintenant d'associés, débattent sur les avis des médecins. Tu dis, le médecin, il a dit, il te dit, ouais, je suis pas convaincu. C'est un médecin quand même, c'est ton médecin. Bien sûr, tu peux prendre un autre avis. Ça reste que c'est lui qui connaît. Mais aujourd'hui, on est dans une société, tout le monde débat de tout. D'abord, polémiquer, c'est devenu un métier. Aujourd'hui, vous avez vu, les émissions qui font rage, machallah, les émissions qui... Vraiment, les gens, il y a une audience qui est immense, c'est des émissions polémiques. C'est des gens qui viennent, qui débattent et qui polémiquent. Les gens aiment le débat. Ils aiment la polémique. Sauf que le croyant ne débat pas, ne polémique pas. On n'apprend pas pour polémiquer. On n'apprend pas pour faire savoir qu'on a une connaissance. La connaissance, c'est déjà pour soi-même. On n'apprend pas pour apparaître. On n'apprend pas pour la notoriété. Vous savez, il y a des gens, ils sont en quête de notoriété. Celui qui est en quête de notoriété, vous savez, il va en souffrir un jour ou l'autre. Parce que la vie est faite comme ça. Tu vas être connu à un certain moment, mais ensuite les gens vont s'orienter vers une autre personne. Quelqu'un d'autre te prendra la place. Il y en a qui le vivent très très mal. Et dans tous les domaines, il y a des gens qui cherchent la célébrité, la notoriété, les projecteurs. L'être humain, c'est ce qu'ils veulent. Beaucoup, c'est ce qu'ils veulent. Allah dit, Al-haakum al-takathur, hatta zurtum al-maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Allah dit, vous courez à l'abondance jusqu'à ce que vous allez visiter les tombes. lorsque vous visiterez la tombe, la personne sera enfuie dans sa tombe, tout sera fini. Les projecteurs vont s'éteindre. Et sa notoriété lui servira point. Qu'il était connu, qu'il était célèbre ou pas, lui servira pas. À part, s'il était célèbre pour le bien, c'est indépend. D'amandeux, sa personne, c'est pas lui qu'a cherché. Il y a des gens qui sont connus, c'est indépendant d'eux-mêmes. Ils ont pas voulu. L'imam Ahmed ibn Hanbal, il disait, si j'aurais pu, j'ai été éprouvé, il dit, par la célébrité, si j'aurais pu aller me dissimuler, me cacher dans les hautes montagnes de la Mecque, je l'aurais fait. Il dit, je l'aurais fait. Il y a des gens, ils sont connus, c'est indépendant d'eux. Ils n'ont jamais cherché la célébrité. Ils n'ont jamais cherché cela à être connus. Mais le Créateur en a décidé autre. Le Créateur en a décidé autre. Et il y en a, c'est l'inverse. Ils se battent chaque jour. Ils se battent chaque jour. Tous les coups sont permis. Tous les coups. Pour faire tomber tous ceux qui sont sur son passage, pour que son nom et sa personne restent. On l'a même dans la religion. On l'a même dans la religion, avec beaucoup de mise en garde. Une grande partie de mise en garde. Vous pensez que c'est pour défendre la religion? C'est pour défendre les avis religieux? Une grande partie de mise en garde, les auteurs de ces mises en garde, mettent la mise en garde pour effacer ceux un peu qui lui font de l'ombre pour mettre sa personne en avant. Tout simplement. Et ça, c'est un grand taux. C'est un grand taux de personnes qui mettent en garde pour se mettre eux en avant. Alors, tous ceux qui leur font de l'ombre, ils vont mettre en garde. Comme ça, ils restent eux. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un grand fléau. Le fait de vouloir apparaître que soi. Bon, ça, là, ça c'est vraiment du travail à faire sur soi-même. Al-Muhim, donc, regardez. Il y a un péché qui touche autrui, c'est ce qu'on appelle en arabe Al-Bari. Et lorsque le péché de la personne se fait du tort à lui-même seulement, c'est ce qu'on appelle Al-Ithm. Al-Ithm en arabe. Sauf que regardez dans le verset. Après, l'auteur, regardez, il résume. Hein. Sinon, même ça, c'est un grand sujet. Mais pour le bari, regardez, Allah utilise un terme. Wal bari, regardez, Allah Azza wa Jalla dit, wal bari bi ghayril haqq. Al bari bi ghayril haqq. Qui est traduit ici, et l'agression sans droit. Donc vous avez compris pourquoi maintenant ils l'ont traduit par agression. C'est le péché qui cause du tort à autre, donc ils l'ont appelé agression. Mais sinon, c'est plus subtil en français que l'agression. C'est le péché, mais qui porte préjudice à autrui aussi. Qui porte préjudice à autrui. Par exemple, lorsqu'une personne vole, il se fait du mal à lui. Parce que chaque péché qu'on commet, on se fait d'abord, le premier temps, c'est pour soi-même. Mais il fait du tort à autrui. Il fait du tort à autrui. Pourquoi ? Parce qu'il a pris injustement les biens de quelqu'un. Les biens de quelqu'un. C'est ça, Al-Bari. C'est le fait de, par exemple, lorsqu'on commet la médisance, c'est de colporter, ou plutôt al-namima. Namima, c'est de colporter des paroles pour semer la division ou la corruption entre des personnes. Pour diviser entre des personnes qui s'aimaient, par exemple, qui se côtoient, entre des amis. On veut défaire ce lien. On veut les séparer. Qu'est-ce qu'on fait ? La personne fait al-namima. Namima, lorsqu'il le fait, il ne se fait pas du mal à soi-même seulement. Il se fait tort à lui-même avec le péché. Parce que pourquoi on dit se fait tort à soi-même? On pourrait dire, non, quand il a volé, il fait du tort qu'à autrui. Il se fait du tort qu'à autrui. Par exemple, on dit, il a volé de l'argent à une tierce personne, une somme d'argent. On dit, lui, c'est... Une personne dira, lui, c'est tout bénéfice. Puisque lui, il a volé, il a eu de l'argent. On dit, non, en réalité, il s'est fait du tort à lui-même. Il va faire du tort à autrui, mais du tort à lui-même, pourquoi? Parce qu'il paiera. Il devra rendre. Même si ici-bas, il ne s'est pas fait interpeller, qu'il sache qu'il y aura un jugement. Et oh que le mal qu'il s'est fait, il est grand. Parce qu'il devra rendre. Et la personne qui a subi le préjudice, un jour ou l'autre, il aura des dommagements. Si ce n'est pas ici-bas, c'est dans l'au-delà. Donc chaque chose, la personne devra rendre des comptes. Donc en réalité, il se fait du tort à lui-même. C'est pour ça, dans des versets, il est dit, il était injuste envers lui-même. Celui qui commet le péché, premièrement, il est injuste envers lui-même. Sauf que lorsqu'ensuite, ça touche le droit d'autrui, là, c'est du barré. Là, regardez, observez dans le verset, Allah Azza wa Jalla a dit l'agression sans droit. L'agression sans droit. Comme vous avez traduit du verset, Walbari biraydil haq. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a cité sans droit? Parce qu'il est-ce qu'il y aurait un droit, ça veut dire pour l'agression. Et là, regardez l'auteur, il va nous expliquer. Regardez, c'est pour ça que l'incompréhension est très importante. Une personne qui lit, il va se dire l'agression sans droit, ça veut dire quoi? Qu'il y a du barré ou qu'il y a un droit? L'auteur, regardez, il va nous dire, les grands savants, les grands théologiens musulmans, qu'est-ce qu'ils disent sur le terme en arabe? Qu'est-ce que ça veut dire sans droit? Ils disent, هذا يسمى عند العلماء رحمهم الله صفة أو صفة كشفة. Chez les savants, ce style-là, ça s'appelle sifatan kashifa. C'est une sifa kashifa. C'est quelque chose qui va être ajouté, qui est mentionné, pour ici mettre en exergue, en avant le sens. Écoutez bien, pour bien comprendre le style employé dans le verset. C'est pour mettre en avant, dévoiler le sens. Dévoiler le sens. C'est-à-dire que ce qui vient être mentionné ensuite, le style, c'est pour dévoiler et mettre vraiment en exergue, en avant, le sens. Le sens. فَهِيَ كَتَّعْلِيلْ بِمَا وُصِفَتْ بِهِ وَلَيْسَتْ قَيْدًا. Et donc, le cheikh, il nous explique, il nous dit, c'est comme si ce qui est mentionné ici, c'est un caractère causal ou un justificatif, et non une condition, un qaïd. C'est pas une condition. Condition, un qaïd, c'est-à-dire que biraylil haq, sans droit. Que c'est-à-dire que s'il y aura un droit, le bari sera autorisé. C'est comme ça, certains pourraient le comprendre. Mais là, les savants musulmans disent non, c'est pas ça le sens ici. Ici, ce qui va venir après, comme le terme biraylil haq, sans droit, c'est pour clarifier le sens de ce qui a précédé, vous allez mieux comprendre. Pourquoi? Parce que le savant nous explique toute l'agression est sans droit. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas un bari où on a le droit. Tant que le péché cause du tort à autrui, il est interdit. Une personne pourrait, regardez, une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation, on pourrait dire, tu sais, il y a des péchés qui causent du mal à autrui qui sont permis. Tu dis, hein? Je ne savais pas, je ne connaissais pas, c'est quoi ta preuve? Il te dit, وَالْبَارِي بِرَيْلِ الْحَقِّ. Il te dit le verset, إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَارِي بِرَيْلِ الْحَقِّ. Allah a interdit, الْإِثْمَ وَالْبَارِي, l'agression sans droit. Tu dis oui, donc il te dit, ce qui suppose que lorsqu'il y a un droit, il y a des baris donc qui sont en droit. Vous avez vu? Qui sont en droit. Or, c'est pas comme ça que les savants musulmans ont expliqué et qu'il faille comprendre. Et c'est ce qu'ils vont comprendre, sans droit, il est venu clarifier le sens de Al-Bari. C'est-à-dire, c'est dans le sens que toutes les agressions sont sans droit. C'est ce sens-là. Biraylil haq. C'est un descriptif, une caractéristique de l'bari, c'est-à-dire qu'il est sans droit. On n'a pas le droit. Regardez l'auteur, il va donner un exemple. Il dit, comme dans la parole du Créateur, regardez dans la parole du Créateur, dans un autre verset, le célèbre verset 21 de la sourate La Vache, Al-Baqara, où Allah dit, « Ya ayyuhannas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum » Dans le verset, en traduction relative, Allah dit, « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient avant vous et ceux qui étaient avant vous. »« Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum » Donc celui qui vous a créé et ceux qui étaient avant vous. Ceux qui étaient avant vous. « Hal naqul hiya sifatun qaid ou sifatun takshif al-ma'na wa tubayyinu la'illa » Là, lorsqu'il est cité, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ensuite on l'a dit, et ceux qui étaient avant vous. Est-ce que ceux qui étaient avant vous, c'est une condition? Ou bien, c'est dans le sens qu'on appelle sifatun kashifa. Ça vient clarifier le sens de ce qui a précédé. Ça fait partie du sens. Adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui étaient avant vous. Et ceux qui étaient avant vous. Il dit Al-Jawab al-Thani bilashak. Al-Thani bilashak. La réponse est le deuxième. Fahuna naqul al-bari bighayri al-haq. Kullu al-bari bighayri al-haq. Donc il dit dans le verset lorsqu'il dit et l'agression sans droit, c'est dans le sens que toute agression est sans droit. C'est sans cela qu'il faut retenir. Toute l'agression, il n'y a pas le droit de commettre l'agression. Il n'y a pas une agression qui est en droit. Mais toute l'agression dans notre religion est sans droit. Et pour terminer, on continuera dans la prochaine assise, parce que je crois qu'on a tardé un peu. On a dépassé le temps. Il faudrait qu'on se mette un temps comme ça. Parce que vous savez, si on lit, c'est tellement intéressant qu'on pourrait... on pourrait lire. Donc il faudrait qu'on se mette un temps. Généralement, on commence à quelle heure ? 30 ? Ouais, il faudrait qu'on se mette un temps, par exemple. Le problème, c'est qu'en face, elle n'est pas là. On n'est pas. Elle n'est pas réglée. Donc là, en face, on est à 28. Alors, moi, en fait, quand je regarde en face, je vois 28, et puis vous, vous voyez 46. Alors quand je vois 28, moi je me dis, oh, Inch'Allah, il reste du temps. Donc juste, on va terminer ce point-là, et on se quitte, Inch'Allah. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il a mentionné le shirk. Il a mentionné le shirk, dont aucune autorité n'est descendue. Et certes, aucune autorité n'est descendue pour le polythéisme. Et cinquièmement, il a mentionné justement, et c'est ça l'élément illustrant, ce qu'on voulait, c'est, il a mentionné, wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun. Et que vous, c'est le cinquième, et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun. Yani harrama antaqulu alayhi ma la ta'lamun. Wa al-murad al-kull. Et on va, ce passage-là, l'auteur va très bien l'expliquer. Il va très bien l'expliquer. Et d'ailleurs, comme on avait dit dans la dernière assise, on devait l'expliquer aujourd'hui, mais on n'a pas eu le temps, c'est par rapport à ce verset qu'une grande question a été traitée chez les savants. Est-ce que l'hérétique, l'innovateur, il a le droit au repentir ? Imaginez-vous que certains savants ont traité cette question. Et on dit que le moubtadir, l'innovateur, il n'y a pas de repentir. Il n'y a pas de repentir. Comme on va l'apprendre dans la prochaine assise de demain, Inch'Allah. Et beaucoup de savants disent si, il y a un repentir comme pour tous les péchés. Pourquoi certains savants, on le verra, en sont arrivés là ? C'est par rapport au verset. Par rapport à ce verset-là, le fait de parler sur Allah sans savoir. Ils disent que c'est tellement grave qu'il a été cité après le shirk. Tellement la gravité de cela, de parler sur le créateur sans savoir. Sauf que, comme on va l'apprendre, ici parler sans savoir sur le créateur, c'est général. Que ce soit de parler sur son essence, sur son entité, sur ses noms, sur ses attributs, sur ses jugements, sur ses actes. Tout cela rentre dans le fait de parler sur le créateur sans savoir. Et pourquoi ils ont dit que l'innovateur n'a pas de repentir ? Certains, c'est un avis. Et demain, on va détailler les avis des savants. Les avis des savants sur ça, les deux avis. Pourquoi ? Parce que les savants sont d'accord pour dire que Allah pardonne tous les péchés. Ça, il y a un accord chez les savants, pour dire que Allah, tous les péchés, les pardonne. Tant que la personne, il demande le pardon, Allah pardonne tout. Tout. Subhanahu wa ta'ala. Conformément au verset, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Oh mes serviteurs, Allah dit, qui ont dépassé les limites alors, qui ont outrepassé les limites en quelque sorte, qui ont enfreint, qui se sont fait du mal. Asrafu ala anfusihim. Ils se sont fait du mal. Allah nous dit, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde du Créateur. Allah dit, il pardonne tout. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne tous les péchés. Le croyant, faut pas qu'il désespère. Le croyant, faut pas qu'il désespère. Allah pardonne tout. C'est Shaitan qui veut nous faire croire que Allah ne pardonne pas. C'est pour ça qu'on avait dit, il y a un immense hadith divin. Ça, c'est un hadith, faut vraiment méditer. Il faudra même qu'on refasse encore un serment du vendredi. On avait déjà fait un serment du vendredi sur l'explication de ce hadith. C'est qu'il est dit dans un hadith divin que le serviteur, il trouvera le créateur qui est à son image. C'est-à-dire que l'image qu'on s'est fait de notre créateur, l'opinion qu'on avait de ce créateur, c'est ce créateur-là qu'on trouvera. Donc celui qui avait l'image d'un créateur miséricordieux qui pardonne, il trouvera un créateur, son Seigneur, miséricordieux et pardonneur. Bien sûr, on ne parle pas de ceux qui vivent dans l'espérance. Il commet tous les péchés et dit le créateur est miséricordieux. Non, c'est celui qui craint son créateur. Il s'efforce de pas commettre les péchés et les fautes. Par contre, chacun il est faible. Allah dit dans le Coran, wa khuliqa al-insanu da'ifa, l'être a été créé faible. Donc personne n'est à l'abri des péchés. Sauf que le croyant, lui, lorsqu'il commet un péché, il demande le pardon à son créateur. Et Allah pardonne tout. Mais Allah ne veut pas qu'on désespère. Parce que dans un autre verset, Allah nous dit que seuls ceux qui désespèrent sont les égarés. Et Allah décrit les égarés comme ceux qui désespèrent. Pour cela, Shaitan, lui, il veut nous faire désespérer de la miséricorde du Créateur. Et là, ça, c'est un sujet très important. Donc, les savants sont d'accord que Allah Azzawajal pardonne tous les péchés. Sauf qu'ensuite, lorsqu'ils ont dit une seule chose. Regardez, c'est ça nous fait vraiment rappel. C'est la question qu'on traitera demain, on va la détailler. Sauf le bid'ah. L'innovation. Ils ont dit l'innovation, non. Ajib, par rapport à ce verset. Et pourquoi ils disent l'innovation, non? Certains savants, comme vous allez voir, puisqu'ensuite il y a d'autres savants, ils disent non, tout, même l'innovation. Mais certains savants, ils ont dit l'innovation, non. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit en fait l'innovation, la personne qui fait l'innovation, il s'égare et appelle les gens à l'égarement. Et donc tous ces gens, par sa cause, qui vont s'égarer, il en a la responsabilité. Et devra répondre de cela. Il devra répondre de cela. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Ceux aujourd'hui qui cherchent à travers les réseaux sociaux, d'être des influenceurs et d'avoir de nombreuses vues, et ils parlent de la religion. Et eux, ce qu'ils cherchent, c'est de faire le maximum de vues. Qu'ils soient sûrs de ce qu'ils enseignent. Qu'ils soient sûrs. Sauf que très peu enseignent les œuvres des savants. Vous savez, une personne, pour qu'il parle 30 minutes dans la religion, faut vraiment qu'il maîtrise son sujet. C'est comme un médecin. Un médecin, il peut parler 30, 1 heure, 2 heures de sa discipline, il l'a étudié, il la maîtrise, il connaît, il a tous les tenants, les aboutissants. Dans la religion, si on n'a pas bien étudié, on peut parler, on va dire des phrases, on ne se rend même pas compte de l'énormité qu'on vient de proférer. Dans un hadith, le prophète nous dit « Inna rajula yatakalla bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi an-nar 70 khalifa » Ça, à l'époque, le prophète disait cela. Dans un hadith authentique, le prophète dit « Certes, un homme profère des paroles dont il ne porte aucune attention, elles vont, ces paroles-là, rentrer dans le mécontentement d'Allah. » C'est des paroles qui attirent la colère du Créateur. Il sera précipité à 70 printemps. Littéralement en enfer. Et la personne ne sait pas. C'est pour ça que ceux qui cherchent à avoir de nombreuses visions, les gens, ils cherchent pas, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ils cherchent pas 50 personnes. Ils cherchent pas une centaine de personnes, c'est déjà énorme. Eux, ils veulent le million. Million de vues. Vous avez vu, même certains fêtent. Lorsqu'ils ont le million de vues, ils vont être payés et ils vont fêter cela. Mais est-ce qu'en réalité il faille fêter cela? Est-ce qu'il faille vouloir ces millions de vues? Vous savez, déjà juste à notre niveau, c'est pas de la fausse modestie. On n'a pas le droit de faire de la fausse modestie. Parce que même la fausse modestie, ça fait partie de l'ostentation. C'est de rire, de faire montrer qu'on est modeste, pour que les gens disent qu'on est modeste. La modestie, c'est une bonne caractéristique. Donc faire le modeste, il ne faut pas faire le modeste. Il faut être réaliste. Il ne faut pas faire de la fausse modestie. Comme il ne faut pas jouer le savant. Mais déjà, je ne sais pas si on mérite d'avoir une personne face à nous. Je ne sais pas si on mérite d'avoir, par exemple, cette assise-là. Dizaine de personnes. Je ne sais pas. Quel est le cas de vouloir le million? 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 vues, 200 000 vues. En prétextant c'est pour la darwa. Inch'Allah. Inch'Allah que c'est pour la darwa, pas pour toi. C'est pour ça qu'il faut, il faut pas se précipiter. Il y a des étudiants, c'est sa première année d'études, il apparaît. La patience. Il y a des grands savants, c'est après 50 ans d'études, on les a pas connus avant. Ils sont apparus avec la barbe blanche. Avant ça, lorsqu'ils étaient jeunes, certains sont, vous les connaissiez quand ils étaient jeunes. Ils sont apparus lorsqu'ils sont, ils étaient savants. Et face à vous, vous avez un savant. On demande à Allah qu'il nous préserve. Qui nous préserve de l'ostentation, de riya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.